soit de fruits de légumes, soit de poissons. À quelqu'un qui te dépasse. Thank you. soit chez Sarah, soit chez Tim, soit chez Prado. sais pas. Là. Oui. Les autres sont partis comme des voleurs. Thank you. Ah, c'est bien, mon mec sur le vélo avant. Oh! Je te mets froid, je te mets froid. Allez, allez, allez.